temps partiel et délai de prévenance. À retenir, la modification de la répartition de la durée du travail d'un salarié à temps partiel ne requiert pas le respect du délai légal de prévenance de 7 jours si elle intervient avec l'accord express du salarié. Le délai de prévenance reste toujours applicable, rappelons-le, en cas de décision unilatérale de l'employeur.